Le coucher de Monsieur, de contes, récits et scènes en vers par Gustave Nadeau. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le coucher de Monsieur, à C. Coquelin. Il entre, le bougeoir à la main. Minuit, l'heure du crime et l'heure du coucher, pour le bourgeois qui n'a rien à se reprocher. J'entre dans mon chez-moi, je pose ma bougie, j'examine au miroir ma face un peu rougie, je remonte ma montre, elle est à remontoir. J'ôte mon paletot, j'ôte mon habit noir, je prends une vareuse où je suis plus à l'aise, et je me laisse enfin tomber sur une chaise. Alors, sûr d'être seul, je m'adresse un discours, à peu de choses près le même tous les jours. On dit qu'un monologue est chose invraisemblable. Cependant, je crois être un homme raisonnable. Eh bien, je monologue. À chacun son défaut. D'autres parlent tout bas, moi, je pense tout haut. Je conviendrai que j'ai plus d'un côté bizarre. Le moment est venu de fumer un cigare. Je fumais autrefois beaucoup. La faculté m'interdit le tabac pour cause de santé. Alors, je prends un bout de cigare postiche. Je suis censé fumer, et c'est moi que je triche. Tout n'est pas vanité, tout est illusion. Je philosophe aussi quand vient l'occasion. S'il n'est pas de héros pour son valet de chambre, que sera-ce pour soi? Cependant, je suis membre de 10 sociétés pour l'encouragement de je ne sais plus quoi, ni pourquoi, ni comment. Nous améliorons la race chevaline. Pourquoi donc oublier la race masculine? Il se regarde au miroir. Je ne suis pas très beau, mais je ne suis pas laid. Un air intelligent, un ensemble qui plaît, un je ne sais trop quoi qui captive les femmes. Je leur lance pourtant de rudes épigrammes. Mais j'ai le trait si fin et les yeux si rêveurs que sans les désirer, j'obtiens quelques faveurs. Oui, sans les désirer. Il est juste de dire que j'obtiens rarement celles que je désire. Mais on ne le sait pas. J'ai de l'esprit, j'en ai. Par malheur, dans ma tête, il reste confiné. Si j'avais plus d'aplomb et moins de modestie, que de sel je mettrais dans une répartie. Mais 4 fois sur 5, si je lance un pétard, il éclate environ 2 minutes trop tard. Je le tiens, il est là, mais pendant que j'hésite, un autre a décoché le trait que je médite. Bref, l'esprit que j'aurais, je ne le fais pas voir. Quant à du jugement, je suis sûr d'en avoir. J'ai du raisonnement, de la dialectique. Où je brille le plus, c'est dans la politique. Je suis conservateur, mais je suis libéral. Conservateur d'abord, c'est dans l'ordre moral. Et libéral ensuite, il faut que tout progresse. Avec l'instruction, la liberté, la presse. Car, examinons tout. Il se regarde. Demain matin, je veux aller chez ce coiffeur qui coupe les cheveux. Oh, le gouvernement qui convient à la France, je le sais, je le dis avec pleine assurance. Je suis libéral, mais je suis conservateur. Je suis surtout, je suis, que ne suis-je orateur? Trop modeste toujours. J'ai mille et mille idées, mais elles ne sont pas fort bien élucidées. Je vais de gauche à droite. Ah, que je ferais mieux de hausser ma raison aux sujets sérieux, de soustraire mon âme aux attaches charnelles, pour me préoccuper des choses éternelles. Éternelles, ce mot me donne le frisson. Ai-je bien ou mal fait de demeurer garçon? Ah, si l'homme pouvait retourner en arrière. Il ne peut cependant vivre sans la prière. Mon Dieu, prodiguez-moi tous les biens d'ici-bas. Augmentez ceux que j'ai de ceux que je n'ai pas. Quand ainsi vous aurez établi le partage, je promets de n'en pas demander davantage. Il sera toujours temps de s'occuper d'autrui. Les autres, c'est demain. Mais moi, c'est aujourd'hui. Eh, mon bon ami, serions-nous égoïstes? Ah, que le cœur humain est une chose triste. Et cependant, je suis de la bonne moitié. Après cela, juger des autres, c'est pitié. Je retombe toujours en plein pays des hommes, et je sens que je suis du siècle dont nous sommes. Devant ma nullité, je reste confondu. Pauvre petit garçon, pauvre moi, j'ai perdu 30 fiches au whist, item 7,50 francs. je crois que j'ai trop bu de ce vin d'Alicante. Être célibataire avec un bel avoir, c'est assez amusant le jour, oui, mais le soir. Eh bien, mauvais sujet, je me parle à moi-même. Es-tu content de toi ? Coussi, coussi, je m'aime. Il se lève. Puisque je m'aime, allons rêver à nos amours. L'Espagnol et le Turc baisseront-ils toujours ? Il se regarde. Bonsoir, mon gros bébé, mon bien-aimé, mon ange. Cette glace enlaidie, il faut que je la change. Fin de Le coucher de monsieur.